Par moments, la tempête accourt, le ciel pâlit. L'OTAN, bouleversant les flots de l'air, emplit l'espace d'une écume affreuse de nuages. Mais qu'importe à l'esquive de la mer sans rivage? Seulement, sur son aile, il se dresse en marchant. Il devient formidable à l'abîme méchant, et dont, en frémissant la trombe qui se creuse, on le dirait conduit dans l'horreur ténébreuse par l'âme des Leibniz, des Fulton, des Kepler. Et l'on croit voir, parmi le chaos plein d'éclairs, de détonations, d'ombres et de jets de soufre, le sombre emportement d'un monde dans un gouffre.